فاذكروني أذكركم. فالذي يذكر الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يذكره. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كرب الدنيا، إنما اكتفى بكرب يوم القيامة، بخلاف الجملتين التاليتين، فيقول ستره الله في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال العلماء لأن كرب الدنيا مع كرب يوم القيامة لا تساوي شيئا، الشدائد التي تحصل للمسلم في هذه الحياة الدنيا إذا قارنتها مع الشدائد التي تحصل للمؤمن ولغير المؤمن يوم القيامة لا تساوي شيئا. ولهذا يوم القيامة الإنسان يعني يحس أنه عاش في هذه الحياة الدنيا عشية أو ضحاها، كأنه نسي كل شيء، نسي فقد الأولاد، فقد الأموال، فقد الصحة، هذه الأمور كلها ينساها إذا رأى يعني كرب يوم القيامة، وإذا رأى شدائد ذلك اليوم العظيم. ومن كرب يوم القيامة أن الله عز وجل كما تعلمون يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، حفاة عراة غرلا، يجمعهم على خلقتهم الأولى كما بدأكم تعودون. والشمس تدنو من رؤوسهم، الشمس تدنو من رؤوسهم حتى تكون قريبة منهم يعني مقدار ميل، يعني مسافة قصيرة. والناس يصيبهم العرق بشدة حرارة الشمس ودنوها من رؤوس العباد، أن تصيبهم العرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يصيبهم العرق حتى يذهب عرقهم يعني في الأرض 70 ذراعا، يعني الكمية الكبيرة من العرق يدخل في الأرض إلى مسافة 70 ذراعا. ومن الناس من يكون عرقه إلى كعبي، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتي، ومنهم من يكون عرقه إلى حقوي، ومنهم من يكون عرقه إلى صدره، ومنهم من يلجم بعرقه إلجاما، ومنهم من يغرق في عرقه. والله سبحانه وتعالى يتفضل على بعض عباده فإنه يحميهم من ذلك ويحفظهم من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فمن نفس يعني فرج عن كربة أخيه في هذه الحياة الدنيا فإن الله عز وجل سينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. دونك le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui soulage un croyant d'une peine dans ce monde, Allah le soulagera d'une des peines au jour de la résurrection. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite le musulman à être donc un soulagement pour son frère. Donc il incite les musulmans à s'entraider mutuellement et à se soulager les uns les autres. Donc il dit celui qui soulage un croyant d'une peine dans ce monde, quelle qu'elle soit, cette peine et cette douleur, Allah subhanahu wa ta'ala le soulagera d'une des peines au jour de la résurrection. Quelle qu'elle soit cette peine, c'est-à-dire une maladie, un problème d'argent, un tracas, un souci, si le musulman arrive à soulager son frère de cela ou bien à lui atténuer cela, Allah subhanahu wa ta'ala le soulagera ou bien lui atténuera une des peines au jour de la résurrection. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il donne en récompense l'acte du serviteur, c'est-à-dire il récompense le serviteur en fonction de son acte. Cela est présent souvent dans les textes du Coran et de la Sunna. Allah dit par exemple Fazkuruni azkurkum. Ou bien il dit également La ilaha illallah. Fazkuruni azkurkum washkururi wa la takfurun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également il dit Arrahimun yarhamuhumur rahman. Yarhamu man fil ard, yarhamkum man fil sama. C'est-à-dire, les gens qui font preuve de miséricorde envers les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera preuve de miséricorde envers eux. C'est-à-dire, soyez miséricordieux envers les gens qui sont sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala sera miséricordieux envers vous. Et vous remarquerez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici il dit que Allah lui soulagera une des peines au jour de la résurrection. Et dans les autres phrases qui vont arriver, il dit que Allah lui accordera la facilité dans ce bas monde et dans l'autre. Ou bien, il le couvrira dans ce monde et dans l'autre. En ce qui concerne les peines de ce monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité les peines, c'est-à-dire il ne sera pas soulagé des peines de ce monde, mais seulement les peines de l'au-delà. Car les peines de ce monde, si on les compare aux peines de l'au-delà, ce n'est rien du tout. Toute chose qui nous arrive dans ce bas monde par rapport à ce qui nous attend dans l'au-delà, ça ne représente rien. Pour preuve, c'est que le musulman, ou tous les hommes, lorsqu'ils mourront, ils auront l'impression d'avoir passé sur terre une matinée ou bien un après-midi. Tous les problèmes qu'ils ont pu supporter donc dans ce bas monde, ils les oublieront par rapport à ce qui les attend déjà dans la tombe avant l'au-delà, et ensuite ce qui est encore plus grand, c'est-à-dire lors de la résurrection. Parmi donc les peines du jour de la résurrection, donc Allah subhanahu wa ta'ala réunira tous les hommes, du premier jusqu'au dernier, de Adam jusqu'au dernier homme à avoir vécu sur la terre. Il les rassemblera nus, nu-pieds et non circoncis, comme le jour de leur naissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc éprouvera les gens dans ce jour terrible. Donc un jour très très long. Allah nous dit fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Un jour de 50 000 ans. Et Allah également, pour éprouver donc les serviteurs, il fera que le soleil se rapproche de leur tête. Le soleil, donc, que nous connaissons tous, se rapprochera des serviteurs. Donc, sera un jour très très chaud. Le prophète également, il nous dit, comme dans Sahih Muslim, que le soleil sera proche des têtes des serviteurs de la distance d'un mille. Allah subhanahu wa ta'ala, a'lamu bi al-muradi bil mil. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi ce qu'il a voulu dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par un mille. Donc, les savants, ils ont divergé. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que c'est une distance très petite. Et donc les gens, du fait de cette forte chaleur, ils sueront. Donc ils auront de la sueur qui sortira de leur corps. La sueur des gens sera tellement en grande quantité que cette même sueur rentrera dans la terre d'une distance de 70 coudées. Et il y aura également de la sueur à la surface de la terre. Il y aura des gens qui auront leur sueur donc jusqu'aux chevilles, donc jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la taille, d'autres jusqu'à la poitrine, d'autres même qui seront cela jusqu'à la bouche, d'autres même qui se noieront dans leur propre sueur. Donc cela en fonction des œuvres du serviteur dans ce bas monde. Donc plus la personne aura œuvré ici-bas, plus elle sera protégée dans l'au-delà. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Al-mar'u fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah. L'homme, il sera dans l'ombre, sous l'ombre de sa sadaqa, de son aumône, dans l'au-delà. Et également les sept qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un jour terrible. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'a pas cité les peines de ce bas monde du fait que, en les comparant aux peines de l'au-delà, elles ne valent rien. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي يعني أثقلته الديون له ديون كثيرة ولا يستطيع أن يسددها وأن يؤديها إلى أصحابها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من يسر على هذا الرجل فإن الله تعالى سييسر عليه في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يذكر في أي شيء يكون هذا التيسير، فيكون هذا التيسير بإذن الله في كل ما يريده الإنسان، سييسر عليه في الرزق وسييسر عليه في تربية أولاده وفي التوفيق في تعلم العلم إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم التيسير. فالمعسر كما قلنا هو الذي أثقلته الديون فلا يستطيع أن يؤديها. وإما أن تكون أنت بنسبة لهذا المعسر، إما أن تكون هو أنت الذي أقرضته، فهذا التيسير بالنسبة لك يكون بإسقاط دينه. مثلا تقول الله يسامح، أو بالانتظار وتسهل عليه مثلا أو تخفف عليه. كان مثلا كان عليه 1000 فتقول له يعني أعطيني 500 ويعني بقي الدين يعني أسقطه عليك، هذا من التيسير، تيسر عليه. والانتظار واجب، أن لا يجوز لك أن تطالب المعسر. قال تعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. بالنسبة للانتظار هذا واجب، لا يجوز لك أن تطالبه بذلك وأن تشدد عليه وهو ليس لدي يعني ما يسدد به دينه، ولكن هناك قدر. نعم. وكما عندوش إيه صحيح، هو مثلا لو وقع هو ملتزم بهذا ولكن ما عندوش أش خيارتك، فلا بد أن تنتظر. فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هناك فوق قدر فوق الانتظار وهو التيسير والتخفيف، مثلا أن تسقط دينه أو تسقط قدرا منه أو جزءا منه، كل ذلك من التيسير. والذي يفعل ذلك فإن الله تبارك وتعالى سييسر عليه في الدنيا والآخرة، سييسر عليه في الدنيا والآخرة. وما يدرك لعل يوما ما تكون أنت المعسر، تكون أنت المعسر فتريد من دائنك أن يخفف عليك، وكما يقال كما تدين تدان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإنسان يتخيل لو كان هو المعسر، فعلى الدائن أن يخفف على مدينه. والصورة الثانية أن تكون شخصا أجنبيا عن الصفقة، ما أقرضت ولا استقرضت، ولكن أن تعرف شخصا عليه ديون فبإمكانك أن تقرضه حتى يسدد دين، هذا كذلك داخل في التيسير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم رغب في التيسير على المعسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنذر معسرا أو وضع عنه يعني أسقط دينه أظله الله في ظله، أظله الله في ظله. فهذا يعني شخص زائد في الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, celui qui vient en aide à quelqu'un en difficulté, Allah lui accordera la facilité dans ce monde et dans l'autre. Celui donc qui est en difficulté, il s'appelle en arabe Al-Mu'asir. Al-Mu'asir, c'est celui qui a beaucoup de dettes. Il a tellement de dettes qu'il ne peut pas les rembourser. Donc le prophète, il nous dit, celui qui vient en aide à cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la facilité dans ce monde et dans l'autre. Le premier cas est que toi tu sois la personne qui lui ait prêté cet argent. Il y a une chose qui est obligatoire, c'est le fait d'attendre. Si la personne n'en a pas, tu ne peux pas lui demander une chose qu'il n'a pas. Allah, il dit dans le Coran, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِيرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. C'est-à-dire que si la personne est en difficulté, tu attends jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite sa situation. Mais il y a mieux encore que d'attendre, c'est de lui venir en aide et de lui faciliter cela. Par exemple, en abandonnant la dette. De dire, la somme que tu me devais, je n'en veux plus, tu ne me dois plus rien, par exemple. Ou bien, de lui abaisser sa dette. La personne te devait 1000, tu lui donne-moi 500 et le reste, je te le laisse. Tout cela donc rentre dans cela. Donc celui qui fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera ici-bas et dans l'au-delà. Et vous remarquerez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a généralisé. Il n'a pas dit dans quel domaine Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera. Donc il lui facilitera bi-iznillah dans tout ce qu'il entreprend. Que ce soit dans le domaine ici-bas, dans l'apprentissage de la science, dans l'apprentissage du Coran, dans l'éducation de ses enfants, bref, toute chose que la personne entreprend, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera cela. Le deuxième cas de figure, c'est la personne donc qui est extérieure au prêt, extérieure donc à la aux deux personnes qui se sont prêtées de l'argent. Donc tu connais un proche ou bien une personne donc qui a beaucoup de dettes, tu peux également donc lui donner de l'argent afin qu'il rembourse sa dette. Tout cela également rentre dans at-taysir ala al-mu'asir, le fait de faciliter à une personne en difficulté financièrement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incite cela également et il dit man anzara mu'asiran aw wada anhu adallahu Allah fi dhilli. C'est-à-dire celui qui donne un délai à une personne en difficulté financièrement ou bien qui abandonne cette dette, Allah subhanahu wa ta'ala, il le mettra donc sous son ombre yawm al-qiyam. Le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فما من يعني شخص إلا وله مزايا وله عيوب. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في هذا الحديث يحث المسلمين على عدم ذكر عيوب الناس ويحث المسلمين أن يستر بعضهم بعضا. فإذا رأيت من أخيك شيئا يعني لم يعجبك لا تنشره بين الناس. هذا من الستر، ومن فعل ذلك فإن الله عز وجل سيستره يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله في بيته. الحديث رواه أبو داود. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من تتبع عورات المسلمين. فمع الأسف من المسلمين من له يعني طبع سيء، يكون فضولي، فيحب يعني النوادر من الأمور، فيتتبع يعني الأمور النادرة الأمور الحصرية هذه صفة مذمومة. إذا رأيت من أخيك شيئا لم يعجبك فعليك أن تستر عليه، ومن فعل ذلك فإن الله عز وجل يستره يوم القيامة. يقول الإمام مالك رحمه الله: أدركت بهذه البلدة. ماذا يقصد الإمام مالك بهذه البلدة؟ المدينة، لأن مالك بن أنس رحمه الله كان إمام المدينة. يقول: أدركت بهذه البلدة أقواما ليس لهم عيوب من الناس، من لم تكن عندهم عيوب، فعابوا الناس فصارت لهم عيوب، بدأوا يتتبعون يعني عيوب الناس فصارت لهم عيوب. ويقول: وأدركت بهذه البلدة أقواما كانت لهم عيوب فعلا، فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. فلما ستروا على إخوانهم ستر الله عليهم، ومن يعني اشتغل بتتبع عيوب الناس فإن الله سبحانه وتعالى يفضحه ويفضح عيوبه أمام الناس. فالإنسان أن ينشغل بنفسه وأن يستر أن إخوانه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dit ensuite: et celui qui couvre dans ce bas monde une faiblesse physique ou morale d'un musulman, Allah le couvrira dans le monde et dans l'autre. Donc chaque musulman donc possède des défauts et des qualités, a des bonnes œuvres et des mauvaises. Le prophète صلى الله عليه وسلم il nous incite à couvrir les musulmans, c'est-à-dire à nous couvrir les uns les autres. Si on voit de notre frère une erreur ou bien une faiblesse ou bien qu'il a commis un péché, surtout s'il ne l'a pas commis devant tout le monde, il faut que le musulman donc couvre son frère et n'aille pas diffuser ce qu'il a vu. Car malheureusement il y a des gens qui ont une mauvaise nature. Ils aiment les choses rares, ils aiment raconter des choses qui font effet. Donc ils essayent toujours ils deviennent curieux, ils essayent d'écouter, ils essayent de regarder pour essayer d'avoir des choses à raconter. Il faut que le musulman, s'il voit une erreur, un péché, une faiblesse de son frère, qu'il le couvre. Et celui qui fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala le couvrira yawm al-qiyama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: يا معشر المسلمين أو يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلب إيمان قلبه. C'est-à-dire au peuple qui ont cru avec leur langue et dont la foi n'est pas encore rentrée dans leur cœur. لا ترتاب المسلمين, c'est-à-dire ne médisez pas sur les musulmans et ne suivez pas leur faiblesse. C'est-à-dire ne cherchez pas leurs faiblesses, car celui qui cherche les faiblesses des musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala cherchera alors sa faiblesse, et celui dont Allah subhanahu wa ta'ala recherche sa faiblesse, il niyafdahuhu fi baytihi, c'est-à-dire il l'humiliera même s'il est dans sa maison, même s'il se cache, Allah subhanahu wa ta'ala rendra toute sa vie clair à tout le monde. Donc il aura beau se cacher, du fait donc qu'il a cherché les faiblesses et les erreurs des musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala ne le couvrira pas et il rendra ses erreurs publiques. Et l'imam Malik rahimahullah, il nous dit: j'ai rencontré des gens donc dans cette ville, c'est-à-dire à Médine, qui n'avaient pas de défauts. Des gens qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, donc les gens ne connaissaient d'eux que du bien. Mais ils ont commencé à s'intéresser aux défauts des autres et leurs défauts sont alors apparus. Et il dit au contraire: j'ai rencontré d'autres personnes qui possédaient beaucoup de défauts, mais qui se sont tues en ce qui concerne les défauts des autres, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que leurs défauts ont été oubliés. Donc celui qui couvre un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala le couvrira ici-bas et dans l'au-delà. ثم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا على المعاونة بين المسلمين والمساعدة على ما يحبه ويرضاه، وبشرط أن يكون هذا العون على ما يحبه الله ويرضاه. فيقول أني والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، هذا العون لابد أن يكون على البر والتقوى، فالذي يعين أخاه على معصية الله لا يدخل في هذا الحديث. ولذا يقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي يعني يحثك على مساعدته في الإثم والعدوان لا يجوز لك أن تعينه عليه. فمن يعني كان في عون أخيه فإن الله سبحانه وتعالى سيكون في عونه وفي جميع شؤونه. إذا احتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى سيوفقه ويعينه بإذن الله تبارك وتعالى. ومر معنا في الحديث رقم 26 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. الإنسان يثاب على معاونته يعني للمسلمين. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dit ensuite Allah vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous incite à nous aider mutuellement. Et Allah dit dans le Coran wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. C'est-à-dire les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres. Donc les alliés, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'aident et ils se secourent les uns les autres. Et à condition également que cette aide soit dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si un musulman a besoin de notre aide dans une désobéissance, nous n'avons pas à l'aider. Au contraire, il nous est interdit de l'aider. Allah il dit dans le Coran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Donc celui qui veut ton aide pour faire une chose illicite, tu n'as pas à l'aider. Et ça ne rentre pas dans cela. Il y en a qui vont dire wallahu fi 'auni al 'abdi ma dam al 'abdu fi 'auni akhi. Non. Le hadith, il parle donc de ceux qui aident son frère dans une chose, une adoration. Parfois, il y a des choses qui sont ni adoration, ni péché. Hein? Ça rentre dans ce qu'on appelle l'ihsan. L'ihsan. Allah Azza wa Jalla dit « Wa ahsinu, inna Allaha yuhibbu al-muhsini. » Donc si c'est par exemple une personne qui te demande de l'aide à porter quelque chose, ou bien à pousser quelque chose, ou bien garder des enfants, toutes sortes d'aides entre musulmans, ça rentre dans l'ihsan et c'était également conseillé. Mais si c'est également donc une aide pour une adoration, c'est encore meilleur. Il faut que le musulman donc soit le premier à aider son frère dans cela. يقول ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في هذه الجملة يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على سلوك الطرق التي تؤدي إلى العلم. والمراد بالعلم هنا هو العلم بكتاب الله والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يعيننا في فهمهما. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الالتماس للطريق قد يكون يعني حسيا، يعني شخص فعلا يسلك طريقا، يسافر مثلا للدراسة، يسافر لطلب العلم، هذا سلك طريقا يلتمس فيه علما كما فعله مثلا موسى مع الخضر في سورة الكهف، وكما فعله يعني كثير من الصحابة جابر بن عبد الله كان في المدينة فسافر إلى الشام لأجل حديث واحد. سافر إلى عبد الله بن أنيس. كان الوحيد أن بقي عندهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بأمور الآخرة. فهذا الحديث الآن غير موجود في المدينة. فجابر رضي الله عنه سافر من المدينة إلى الشام لسماع هذا الحديث. هذا سلك طريقا يلتمس فيه علما، ومن فعل ذلك سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد يكون سلوك الطريق والتماس العلم معنويا، يعني الشخص لا يخرج لطلب العلم وإنما يقرأ يطالع أو يستمع إلى أشرطة أو يكتب أو يذاكر أو يحفظ، كذلك يدخل في هذا الحديث. فمن يحفظ فقد سلك طريقا يلتمس فيه علما، الذي يقرأ كتابا فقد سلك طريقا يلتمس فيه علما، ومن يستمع إلى درس صوتي فقد سلك طريقا يلتمس فيه علما، ومن فعل ذلك سيسهل الله له طريقا إلى الجنة. والعلم هو أساس كل شيء، العلم أساس كل شيء. هذا الدين تلاحظون أن أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ اقرأ. هذا في الحث على العلم. فالذي يعني يريد أن يتمتع بإسلامه ويفهم دينه ويتذوق حلاوة الإيمان فلا بد له من العلم، فلا بد له من العلم. العلم أن يحفظ يعني شيئا من كتاب الله، ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتفقه في دين، وكل يعني كل شخص بحسب، مثلا يتعلم الفقه، الوضوء، الصلاة والزكاة والحج. كذلك من فعل ذلك فقد يعني سلك طريقا يلتمس فيه علما. لا يعني أن لا بد حتى تدخل في هذا الحديث حتى تصبح عالما، لا، بإذن الله جلوسكم هنا هو سلوك طريقا يلتمس فيه علم. وفي نصوص كثيرة جاء الحث والترغيب على تعلم الدين، أولا أنه من أسباب دخول الجنة كما هنا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الجنة. كذلك الذي له هو صاحب العلم، فإن الله تبارك وتعالى يرفعه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما تكلم عن هذه الآية قال: يرفع الله سبحانه وتعالى العلماء في الدنيا بحسن سمعتهم، وفي الآخرة بالدرجات العلى في الجنة. وسأذكر لكم حديثا يدل على يعني منزلة العلماء في هذه الحياة الدنيا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وقت خلافته كان له عمال. الآن عمر فين؟ أين يكون عمر؟ في مدينة، في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خلافة إسلامية فلابد له من أناس يعني يعملون له، مثلا في مكة وفي الطائف وفي اليمن وكذلك في الشام، فله عمال. كان له عامل في مكة اسمه نافع ابن عبد الحارث، نافع ابن عبد الحارث. خرج عمر يوما إلى مدينة اسمها عسفان، وهي مدينة تبعد عن مكة 80 كيلومتر، فلقي نافع ابن الحارث بهذه المدينة. اش خيسولو عمر؟ اش كدير أنا وشكون اللي خليت في بلاستك؟ يعني من خلفت في مكة؟ فقال: خلفت رجلا اسمه ابن أبزة. ابن أبزة. وعمر قال: من هذا الرجل؟ لا أعرفه. فقال له نافع بن عبد الحارث هذا مولان من الموالي عبد العبد إذا أعتق يسمى مولى قال مولى من الموالي فقال له عمر تركت على مكة مولى من الموالي مزيان هذا فقال له يعني الحارث نافع بن عبد الحارث إن هذا الرجل يقرأ القرآن يعني يحفظ شيئا كثيرا من كتاب الله و يفهم في الفرائض شنو الفرائض شنو معنى من الفرائض ها ايه لا لا لا لا لا الفرائض ها لا المواريث الفرائض المواريث ها تسمى بالفرائض فهذا الرجل كان يحفظ القرآن ويفهم في بالفرائض وهو عبد من الـ من الـ من العب من العبيد فقال عمر أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين انظروا كيف الله سبحانه وتعالى رفع هذا العبد إلى يعني أن يخلف على مكة بسبب حفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى ولفهمه في الفرائض فبالعلم العبد يرتفع والشريف ينزل بجهله الشريف ينزل ويهبط بجهله كذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء واحد الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الاستزادة من شيء واحد واش من النساء واش من المال لا اش قال الله عز وجل وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما ومن فضل العلم كذلك أن الله سبحانه وتعالى استشهد أهل العلم على أفضل مشهود وأفضل مشهود هو شهادة أن لا إله إلا الله الله عز وجل يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله سبحانه وتعالى قارن بين شهادته وشهادة الملائكة بشهادة أهل العلم للشهادة على أفضل مشهود وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذلك العلم دليل على محبة الله لك الخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فإذا رأيتم شخصا يفهم في الدين سواء كان ذلك في العقيدة أو في الفقه أو في المعاملات أو غير ذلك فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا من يريد الله به خيرا يفقه في الدين يقول الحافظ ابن حجر مفهوم هذا الحديث أن من لم يفقه شيئا من دينه فإن الله عز وجل لم يريد به خيرا إذا رأيت شخصا جاهلا فاعلموا أن الله عز وجل لم يريد به خيرا لأن العلم يعني ميراث الأنبياء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث رواه الإمام الطبراني بإسناد صحيح يقول فضل العلم خير من فضل العبادة فضل العلم خير من فضل العبادة بمعنى أن العلم أفضل من نوافل العبادات أفضل من نوافل العبادات روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يدرس الناس بعد صلاة العشاء في المسجد النبوي كان يدرس الناس فقام أحد الطلبة يصلي فقال له الإمام مالك ماذا تفعل؟ قال أقوم الليل فقال ألا تدري أن الذي أنت فيه أفضل من الصلاة بالليل فتعلم العلم أفضل من نوافل العبادات. والأدلة كثيرة على فضل العلم والعلماء. فالمسلم الذي يريد أن يرتقي يرتقي ويرتفع في هذه الحياة الدنيا عليه بالعلم، عليه بالعلم. انظروا كيف يعني تبقى أو يبقى ذكر العلماء ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم لما حملوا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أسماؤهم إلى يومنا هذا، ثم التابعين، ثم مثلا الأئمة الأربعة لم نراهم، ولكن من منا لا يعرف الإمام مالك، ومن منا لا يعرف الإمام أحمد أو الشافعي أو أبا حنيفة. فالله عز وجل يخلد لك ذكر بسبب علمك. ومن لا يعرف منا أن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم حتى إلى علمائنا المعاصرين. فمن أراد أن يذكر في عقبه فعليه بالعلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici, celui qui s'engage dans une voie à la recherche d'une science, Allah lui facilitera une voie vers le paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici incite les gens donc à apprendre leur religion. La science donc c'est la base de tout. On ne peut rien faire en islam sans science. Pour prier tu as besoin de science. Pour faire tes ablutions tu as besoin de science. Pour faire ton pèlerinage, tu as besoin de science. Sinon, si tu n'as pas de science, comme a dit Omar ibn Abdul Aziz, Man abad Allah bi ghayri ilm, afsada akthara mimma yuslih. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sans science, il fait plus de mal que de bien. Et donc ici, le prophète Samy nous dit, celui qui s'engage dans une voie à la recherche d'une science. Le fait de s'engager sur une voie à la recherche d'une science, ça peut être au sens propre. C'est-à-dire que la personne, vraiment, elle s'engage dans une voie pour apprendre la science. C'est-à-dire, elle parcourt un chemin pour apprendre la science. Elle se rend à la mosquée pour apprendre la science. Elle voyage dans telle ou telle ville pour apprendre la science. Elle sort de son pays pour aller apprendre la science chez tel ou tel savant. Donc on peut comprendre le hadith comme cela. Comme par exemple l'a fait Moussa avec Al-Khadir dans Surat Al-Kahf. Donc il l'a suivi. Fan talaqa. Chaque fois donc il voyage et il suit Al-Khadir pour prendre de lui la science. Comme l'a fait également Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma. Jabir, donc il était à Médine. Il y avait un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Unais qui avait voyagé. Donc les compagnons après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils se sont éparpillés afin d'appeler à l'islam. Abdullah ibn Unais, il était parti à Shem, donc la Syrie et ce qui l'entoure. Et les gens de Médine se sont aperçus qu'il y avait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de l'au-delà que plus personne ne connaissait à part cette personne. Et les gens, ils avaient oublié ce hadith. Jabir ibn Abdillah, il a alors voyagé de Médine jusqu'à Shem pour un seul hadith, pour qu'il aille le voir et lui dire: enseigne-moi le hadith que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref, le fait donc de voyager pour apprendre la science, celui qui fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera une voie vers le paradis. Et on peut comprendre le hadith par celui qui emploie tous les moyens pour apprendre. Par exemple, le fait de lire, le fait d'écouter un cours, le fait d'écrire, de prendre des notes, le fait d'apprendre par cœur, de réviser, tout cela également, bi'iznillah, rentre dans le fait de s'engager dans une voie à la recherche d'une science. Donc celui qui fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera une voie vers le paradis. Donc comme on a dit tout à l'heure, la science est la base de tout. Prouve cela que le premier verset du Coran, c'est qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Donc lis. Allah il a parlé de la lecture, il a ensuite parlé même de l'écriture. Alladhi 'allama bil qalam. Et même la science, on en a même besoin dans la croyance islamique. Allah il dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, le musulman il a besoin de la science dans toutes dans toute sa religion. Surtout ici, même encore ici en France. Ici en France, tu veux t'habiller, tu as besoin de science. Tu veux manger, il faut que tu saches ce qui est licite, ce qui est illicite. Encore dans certains pays musulmans, tu peux manger les yeux fermés. Ici en France, il faut que tu saches ce qui est licite, ce qui n'est pas illicite, comment doit être égorgé telle ou telle chose. En France, tu as encore plus besoin de science qu'ailleurs. Donc bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite ici à apprendre notre religion. Donc à apprendre le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toutes les choses qui nous servent à comprendre cela. Comme quoi? Et la langue arabe. La langue arabe, ça nous aide à comprendre le Coran et la sunna. Donc celui qui apprend la langue arabe, il rentre également dans cela. Il y a d'autres, donc... La science, donc, c'est un grand sujet. Parmi les textes qui incitent donc à apprendre notre religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ici, nous dit que c'est une cause d'entrer au paradis, car Allah lui facilite une voie vers le paradis. Également, c'est une source d'élévation. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève les croyants au-dessus, il élève les savants au-dessus des autres croyants. Allah dit dans le Coran, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah, il élève les croyants parmi vous et ceux qui ont reçu la science de plusieurs degrés. Il les élève de plusieurs degrés ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas, du fait que donc les musulmans respectent donc leurs savants, ils les élèvent au-dessus d'eux-mêmes. Et dans l'au-delà, bi'idhnillah, du fait qu'ils auront des hauts degrés au paradis. Ce qui prouve que la science élève la personne, un hadith qui est rapporté par l'imam muslim, donc Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, pendant qu'il était calife, c'est de quelle année à quelle année, Khilafat Omar? Là. Là, 13 jusqu'à 23. De 13 jusqu'à 23. Hein? 10 ans. De l'année 13 jusqu'à l'année 23. Omar, donc, il était à Médine. C'était lui le chef des croyants. Et donc, il avait comme des, on va dire, des ministres pour chaque endroit de l'État islamique. Donc, il avait un ministre, par exemple, à la Mecque, un ministre au Yémen, un ministre au Chem, un ministre en Irak, donc, qui travaillait pour l'intérêt des musulmans. À la Mecque, il avait placé un homme qui s'appelait Nafi' ibn Abd al-Harith. Un jour, Omar, il a voyagé à une ville qui s'appelle Usfan, qui est environ à 80 km de la Mecque, et il a rencontré cet homme. La première question que lui a dit Omar, qui as-tu laissé à ta place? Donc moi, je t'ai confié cette responsabilité, je te vois ici à Usfan. Qui as-tu laissé à ta place? Il a dit, j'ai laissé un homme qui s'appelle Ibn Ebza. Omar a alors dit, qui est cet homme? Je ne le connais pas. Qui est Ibn Abza? Nafi' ibn Abd al-Harith lui a dit, c'est un homme, c'est un serviteur, Mawla. C'est-à-dire, il était esclave, il a été affranchi, on l'appelle Mawla. Omar lui a alors dit, comment as-tu pu laisser un ancien esclave? Comment as-tu pu laisser la Mecque sous la direction d'un ancien esclave? Nafi' ibn Abd al-Harith lui a alors dit que c'est un homme qui connaît le Coran et qui connaît également les règles de l'héritage. Omar a alors dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Inna Allah yarfa'u bi hadha al-Qur'an aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah, il élève grâce à ce Coran certains peuples, et il abaisse également, il en abaisse grâce au Coran d'autres. Donc cet homme qui est esclave s'est retrouvé responsable de la Mecque pendant une période, pendant l'absence de Nafi' ibn al-Harith, du fait qu'il connaissait le Coran. Donc la science élève ces gens-là, alors que la personne qui est ignorante, elle a beau être la plus riche ou avoir la meilleure lignée, elle ne sera pas élevée. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour lui augmenter une seule chose. C'est la science. Allah dit dans surat Taha, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Allah leur donne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: ô mon Seigneur, augmente ma science. Il n'a pas dit augmente mes biens, augmente mes enfants, augmente mes épouses. Non, la seule chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui en donner, de lui augmenter sa part, c'est la science. Également le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a pris le témoignage des gens de science pour témoigner de son unicité. Allah dit dans surat Ali Imran: Shahid Allahu annahu la ilaha illallah, alla ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. C'est-à-dire Allah témoigne que nul ne mérite d'être adoré sauf lui, ses anges et les gens de science, donc qui jugent avec la justice. Bref, Allah a pris son témoignage, celui des anges et celui des gens de science, pour ce témoignage très important de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également un hadith très important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man yuridillahu bi khayran yufaqqihu fid din. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Donc celui qui comprend sa religion, il faut qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah a voulu du bien pour lui. Et à l'inverse, comme le dit Hafiz ibn Hajar rahimahullah, celui qui ne comprend pas sa religion, c'est également une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu de bien pour lui. Donc celui qui veut reconnaître le bien voulu par Allah subhanahu wa ta'ala pour lui-même, qu'il observe donc sa compréhension de la religion. C'est à peu près tout ce qu'on avait cité. Et également donc celui qui désire avoir donc son nom ancré dans l'histoire, qu'il recherche la science. C'est pas ça le but lorsqu'on apprend, mais vous remarquerez que les gens qui, les savants de l'islam, ont laissé leur nom dans l'histoire, contrairement à des gens qui étaient très riches parfois, mais du fait qu'ils n'avaient aucune science, on les a oubliés. Les savants, en commençant par les compagnons, donc, qui ont appris les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous les ont apportés jusqu'à notre époque, Allah a fait que leurs noms sont restés ancrés dans l'histoire. Par exemple, Abu Huraira, Abdullah ibn Omar, Anas. Et plus ses compagnons apprenaient des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on les connaît. Par exemple, les compagnons, ils étaient beaucoup, mais ceux que l'on connaît le plus et ceux qui étaient les plus savants. Après, par exemple, les époques qui sont venues, Tabi'in, ou bien par exemple les quatre imams, Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, ou bien Ahmed, tout musulman les connaît. Donc les grands savants de l'histoire ont laissé leur nom dans. Les grands savants de l'islam ont laissé leur nom ancré dans l'histoire grâce à la science qu'ils possédaient et qu'ils nous ont apportée. نكمل الحديث الأسبوع القادم وصلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.